إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فها نحن بحمد الله تبارك وتعالى مجتمعون لدرسنا الرابع في كتابنا القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Nous voici par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour notre quatrième assise concernant l'étude du livre intitulé « Les belles règles concernant l'exégèse du Coran » du noble savant Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Nous continuons donc bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala avec la prochaine règle citée par l'auteur qui nous dit rahimahullah. Dans beaucoup de versets, Allah informe qu'il guide ou égare qui il veut. Dans beaucoup de versets, Allah informe qu'il guide ou égare qui il veut. Cela sans citer les causes menant à la guider ou à l'égarement. Cela a pour but d'ancrer le tawhid, l'unicité d'Allah, dans le cœur des croyants. Et qu'il s'accroche donc à lui seul. Et dans l'autre verset, Allah cite les causes que le serviteur doit accomplir, les causes menant à la guider ou à l'égarement. Et cela est le même cas pour son pardon ou son châtiment. De même pour l'élargissement de la subsistance ou sa diminution. Et cela a pour but de faire connaître au serviteur le chemin menant à cela pour qu'il emprunte ce qui lui est profitable. Donc ici l'auteur rahimahullah nous cite une règle nous permettant de comprendre ce qui est voulu par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans certains versets. Car nous voyons lorsque nous lisons le Coran que certains passages, Allah subhanahu wa ta'ala cite qu'il guide qui il veut. Comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, et il guide qui il veut vers un chemin droit, surat Yunus. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il égare qui il veut. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, certes, Allah égare qui il veut, surat al-Ra'd. Ou bien, il nous informe, subhanahu wa ta'ala, qu'il accorde une subsistance sans compter à qui il veut. Cela comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset. Et Allah accorde une subsistance sans compter à qui il veut, surat Ali Imran. Ou bien, il nous informe qu'il élève ou qu'il rabaisse qui il veut, comme dans sa parole, d'après l'essence du verset. Et tu honores qui tu veux et tu avilis qui tu veux. Surat Ali Imran. Et donc tout cela sans citer la cause menant à cela. C'est-à-dire sans citer la cause menant à la guider, ou à l'égarement, ou à la subsistance, ou l'élévation. Mais dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite simplement qu'il est le seul à accomplir cela. Et que cela fait partie de ses actes. Le fait de guider, le fait qu'il guide qui il veut, ou qu'il égare qui il veut, élève ou rabaisse qui il veut. Accorde ou restreint la subsistance à qui il veut. Donc cela ici, comme nous cite l'auteur rahimahullah, a donc pour but d'ancrer le tawhid dans le cœur du croyant. D'ancrer le tawhid, la foi en l'unicité, dans le cœur du croyant. Pour que le croyant, le lecteur, sache qu'Allah est le seul à détenir ces actes-là. Et qu'il se dirige donc vers lui seul dans la recherche de cela. Donc il sache qu'Allah est le seul à pouvoir guider. Le seul à pouvoir égarer, le seul à pouvoir élever, le seul à pouvoir abaisser, le seul à pouvoir accorder la subsistance. Pour qu'après cela, le serviteur dirige tous ses espoirs et toutes ses demandes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous cite ici, rahimahullah, que c'est ce qui est voulu par ces versets-là. Alors que dans d'autres versets, Allah nous cite les causes menant au point cité. Donc les causes menant à la guidée, les causes menant à l'égarement, les causes menant à la subsistance ou au pardon. Cela comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset. Et quant à celui qui donne et craint et croit en la meilleure des récompenses, alors nous lui accorderons la facilité. Et quant à celui qui est avare et se suffit et mécroit en la meilleure des récompenses, alors il sera dirigé vers la difficulté. Donc ici, Allah nous informe que les causes menant à la guidée sont le fait de croire à Allah, que le serviteur croit en son Seigneur, de se soumettre à ses ordres, et que les causes de l'égarement résident dans l'inverse de cela. Dans ce verset, il y a ici Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité les causes menant à la guidée et les causes menant à l'égarement. Et cela comme dans sa parole, d'après l'essence du verset. Allah guide par cela celui qui suit les chemins de son agrément. Allah guide par cela celui qui suit les chemins de son agrément. C'est-à-dire celui qui a une bonne intention et qui recherche le bien et l'agrément d'Allah. Ou comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, d'après le sens du verset. Et il guide beaucoup de gens par cela. Et il en égare beaucoup. Mais il n'égare par cela que les pervers. Donc la cause qu'Allah a citée ici, menant à l'égarement, est la perversité du serviteur et sa désobéissance. Ou comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset. Il a guidé une partie d'entre eux et égaré une partie d'entre eux. Car certes, ils ont pris les démons comme alliés en dehors d'Allah. Donc la cause de l'égarement cité ici est qu'ils ont accepté et agréé de prendre les démons comme alliés en dehors d'Allah. Donc nous voyons très bien à travers ces versets qu'Allah a ici cité les causes provenant du serviteur, menant à la guidée ou à l'égarement. Alors que dans la première catégorie de versets, cela n'a pas été cité. Donc cela a pour but ici, dans cette catégorie de versets, de faire connaître au serviteur les causes menant à cela. Les causes menant à la guidée, l'égarement, le pardon, la subsistance. Pour qu'il puisse emprunter cela. Et donc, les versets où Allah subhanahu wa ta'ala ne cite pas les causes, mais qu'il cite simplement ses actes à lui subhanahu wa ta'ala, comme le fait qu'il guide ou qu'il égare, qu'il élève ou qu'il rabaisse qui il veut, qu'il pardonne ou châtie à qui il veut, ont pour but d'ancrer le tawhid, l'unicité dans le cœur du croyant. Et qu'il sache qu'Allah est le seul créateur, le seul à gérer, le seul à ordonner toutes choses. Et que dans ses mains à lui seul, subhanahu wa ta'ala, se trouve toute donation. Et qu'il est le seul à accorder, ou à priver, élever, ou à rabaisser, à guider, ou à égarer. Pour qu'après que le serviteur ait connu cela, il accroche et dirige tous ses espoirs et toutes ses demandes vers lui seul, subhanahu wa ta'ala, et qu'il s'accroche à Allah seul dans la recherche de tout ce qu'il souhaite obtenir et dans le fait de repousser de lui toute chose détestable, et qu'il ne recherche cela ou ne demande cela à personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela dans les versets où Allah ne cite pas les causes, mais qu'il cite simplement ses actes à lui-même subhanahu wa ta'ala. Et quant à la deuxième catégorie de versets, les versets où Allah cite les causes menant à cela, menant à la guidée, à l'égarement, à l'élévation, au rabaissement, au pardon ou au châtiment, alors ils ont pour but de faire connaître aux serviteurs les causes et qu'ils connaissent les chemins menant à cela pour qu'ils puissent accomplir ce qui lui sera profitable et délaisser ce qui lui sera nuisible. Et nous avons cité, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, certains exemples venant confirmer la règle citée par l'auteur. C'est-à-dire certains passages où Allah subhanahu wa ta'ala ne cite pas les causes, mais où il cite ses actes, et à l'autre passage, il cite les causes que le serviteur doit emprunter et les causes qu'il aime que le serviteur emprunte. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala à propos de la subsistance. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset. Et Allah accorde une subsistance sans compter à qui il veut. Surat Ali Imran. Donc ici, sans nous citer la cause, et Allah accorde une subsistance sans compter à qui il veut, sans nous citer la cause. Donc pour que le serviteur sache que cela est entre ses mains à lui seul, subhanahu wa ta'ala, et qu'il accroche donc ses espoirs en Allah seul dans la recherche de cela. Et à l'autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite les causes menant à la subsistance. Comme son obéissance subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à son messager, le fait d'accourir aux causes menant à la subsistance, tout cela accompagné de la piété. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset. Et quiconque craint Allah, Allah lui accordera une issue favorable. Et il lui accordera sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Donc ici Allah a cité comme cause le fait de le craindre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous cite aussi comme cause permettant d'obtenir la subsistance, la demande de pardon à l'istighfar. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala d'après le sens du verset. Demandez pardon à votre Seigneur, il est certes grand pardonneur. Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies en abondance. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a cité la cause qui est la demande de pardon. Donc encore une fois, pour que le serviteur accomplisse ses causes. Tout en ayant le cœur accroché à Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui est le seul à détenir cela. Nous avons aussi un exemple, l'obtention du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, à certains passages du Coran, qu'il pardonne à qui il veut, sans nous citer la cause menant à cela. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset qui nous dit. Ne sais-tu pas qu'à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et il pardonne à qui il veut. Ne sais-tu pas qu'à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et il pardonne à qui il veut. Surat al-Ma'ida. Donc ici, Allah n'a pas cité la cause du châtiment, ni la cause du pardon. Et à d'autres passages, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, comme cause menant à son pardon, d'après l'essence du verset. Et certes, je suis grand pardonneur pour quiconque se repent, croit, accomplit des œuvres pieuses et emprunte le chemin de la guidée. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite des causes menant à son pardon, qui sont le repentir, l'accomplissement des œuvres pieuses et le fait d'emprunter le chemin de la guidée. Donc encore une fois, pour que le croyant, le serviteur, emprunte ses chemins, tout en ayant le cœur accroché à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul à détenir cela, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala, il châtie qui il veut et il pardonne à qui il veut. Nous avons aussi un exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit, d'après l'essence du verset, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu arraches la royauté à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Surat Al-Imran. Dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, tu donnes la puissance à qui tu veux. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala incite le serviteur à rechercher donc la puissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Puis, il nous cite, à d'autres passages, les causes menant à cela, qui sont les œuvres pieuses, comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala d'après le sens du verset. Quiconque veut la puissance, certes, toute la puissance appartient à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Donc ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala incite à accomplir les œuvres pieuses et les bonnes paroles qui sont les causes permettant d'obtenir la puissance. Alors que dans le verset cité précédemment, il n'a pas cité les causes. Donc, le croyant comprend ce qui est voulu par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il cite ses actes, sans citer les causes. Sans citer les causes menant à cela. Et que le but à ce moment-là est d'ancrer la croyance du tawhid dans le cœur du serviteur, pour qu'il se dirige vers son Seigneur seul dans la recherche de cela. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite, à d'autres moments, les causes, le but est que le serviteur puisse connaître ces causes, qui sont profitables, et donc emprunter le chemin menant à cela, tout en ayant le cœur accroché à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et non pas aux causes. Et ici, il y a deux erreurs auquel le serviteur doit prendre garde concernant la compréhension de ces versets. Donc il doit prendre garde à ne pas avoir une mauvaise compréhension quant à ces versets. Premièrement, lorsqu'il lit les versets où Allah ne cite pas les causes, où Allah cite simplement ses actes, subhanahu wa ta'ala, alors il ne doit pas être trompé par shaytan. Et il ne doit pas se dire, vu qu'Allah cite qu'il guide qui il veut, et qu'il égare qui il veut, ou qu'il élève qui il veut, alors les causes ne servent à rien. Car s'il veut me guider, il me guidera. Ou s'il veut m'égarer, il m'égarera. Cela même si je n'accomplis aucune cause. Alors cela ici est un égarement et une mauvaise compréhension. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, dans l'autre verset, d'accomplir les causes menant à cela. D'accomplir les causes menant à la guider. D'accomplir les causes menant à l'égarement. Et a cité que la guider, l'égarement, le pardon, le châtiment a des causes. Donc, il incite le serviteur à accomplir ses causes. Tout en ayant le cœur accroché à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et le but de ces versets-là où Allah ne cite pas les causes, n'est pas de l'inciter à délaisser les causes, mais seulement de l'inciter à accrocher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala seul dans cela et à diriger tous ses espoirs ou ses peurs vers lui seul subhanahu wa ta'ala avec l'accomplissement des causes. Quant à la deuxième erreur, elle est lors de l'accomplissement des causes. Donc alors à ce moment-là, le serviteur ne doit pas accrocher ses espoirs en la cause qu'il accomplit, mais il doit accrocher ses espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui est le seul à détenir tout ce que le serviteur souhaite, et qui est le seul à pouvoir repousser de lui tout ce qu'il craint. Donc le serviteur réunit entre eux ces deux types de versets et ne prend pas une seule catégorie en délaissant la deuxième catégorie. Ensuite, l'auteur rahimahullah nous dit pour conclure cette règle. Et les exemples de cette règle sont nombreux dans le Coran. Tu connais maintenant le chemin, alors emprunte-le. Donc là, comme l'auteur l'avait cité dans son introduction, il incite le lecteur à mettre en pratique ces règles-là, donc à travers la lecture du Coran. Donc le croyant lit le Coran et médite sur cette règle citée par l'auteur, rahimahullah, qui est que lorsqu'il voit des versets où Allah subhanahu wa ta'ala cite ses actes, il ne cite pas les causes, mais cite simplement qu'il fait cela et qu'il accorde cela à qui il veut, alors le but ici est d'ancrer la croyance du tawhid dans le cœur du croyant, pour qu'il s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il recherche cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'autre passage, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite les causes, cela a pour but d'inciter le croyant à accomplir les causes, tout en ayant le cœur accroché à Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui est le seul à détenir cela. Ensuite, l'auteur rahimahullah passe à une autre règle, en disant « Le fait de clôturer les versets par un des noms parfaits d'Allah signifie que le jugement cité dans ce verset a un lien avec ce noble nom. Le fait de clôturer les versets par un des noms parfaits d'Allah signifie que le jugement cité dans ce verset a un lien avec ce noble nom. C'est-à-dire que nous voyons énormément de versets dans le noble Coran clôturés par un ou plusieurs des noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela a un sens. Comme l'auteur nous le dit, rahimahullah, cela indique et permet de comprendre que la législation d'Allah, les ordres et la création découlent tous des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, et qu'ils ont un lien. Donc, que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée, ordonne ou décrète découle des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, rahimahullah, et cela est une porte immense menant à la connaissance d'Allah et de ses règles religieuses. Et cela fait partie des plus nobles sciences. Car tu verras par exemple les versets de miséricorde clôturés par les noms de miséricorde, les versets de châtiment et punition clôturés par les noms de puissance, de capacité, sagesse, science et domination. Et il nous dit, rahimahullah, il t'incombe donc de chercher tous les versets clôturés par un des noms parfaits d'Allah, et tu les verras donc en parfaite concordance avec le sens du verset. Donc le lecteur médite lorsqu'il voit un verset clôturé par un des noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache que ce nom-là est cité ici pour un but. Ce but est que ce nom-là a un lien direct avec le sens du verset. Et cela, comme l'a cité l'auteur, est une porte immense permettant de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. et permettant de savoir que toute la création, tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala découlent de ses noms et attributs parfaits subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah nous cite quelques exemples concernant cette règle-là. Parmi cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité la création des cieux et de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après avoir cité la création de la terre, d'après l'essence du verset. Puis il s'est orienté vers le ciel et en fit sept cieux. Et il est omniscient, c'est-à-dire il est connaisseur de toutes choses. Donc, puis il s'est orienté vers le ciel et en fit sept cieux. Et il est omniscient, c'est-à-dire connaisseur de toutes choses. Ici, le verset a été clôturé par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, celui qui est connaisseur de toutes choses. Cela pour indiquer qu'avec le fait qu'il ait créé les cieux et la terre, certes, il englobe de par sa science tout ce qui se trouve dans ceci, tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre. Et cela donne aussi pour sens que le fait qu'il ait créé cela, les cieux et la terre, est une preuve de sa parfaite science. Car comment peut-on créer une chose que l'on ne connaît pas ? Donc ce nom ici a été cité, nous tirons premièrement qu'Allah est connaisseur de tout ce qu'il y a dans les cieux et de la terre. Deuxièmement, que le fait qu'Allah ait créé les cieux et la terre est une des preuves montrant sa parfaite connaissance, sa parfaite science. Car on ne peut créer une chose que l'on ne connaît pas. Ensuite, sa parole subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, qui nous dit « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous cite le repentir de Adam alayhi salam. Et il clôture ce verset par son nom « At-Tawwab » et « Ar-Rahim ».« At-Tawwab », celui qui accueille le repentir, et « Ar-Rahim », le miséricordieux. Donc, cela ici convient parfaitement. Car comme Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux, alors il fait que les cœurs des repentants se dirigent vers lui et il les assiste pour qu'ils puissent accomplir les causes menant à son pardon et sa miséricorde. Puis il leur pardonne et leur fait miséricorde. Donc, il les assiste premièrement à faire les causes menant au repentir, puis il accepte leur repentir. Comme dans le verset, Adam a reçu de son Seigneur des paroles, premièrement. Puis Allah agréa son repentir. Donc, il est le Tawwab, celui qui accueille le repentir. Cela, en assistant le serviteur pour qu'il puisse faire les causes, et par la suite, en acceptant son repentir. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos de Ibrahim al-Khalil alayhi salam et de son fils Ismaïl alayhi salam qui ont dit pendant qu'ils construisaient la Kaaba, d'après l'essence du verset, ô Seigneur, accepte cela de nous, tu es certes l'audient, l'omniscient. Ô Seigneur, accepte cela de nous, tu es certes l'audient, l'omniscient. Donc ici, ils ont donc utilisé ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'audient, l'omniscient, celui qui est connaisseur de toutes choses. Cela pour demander l'acceptation de leurs œuvres. Car du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, qu'il connaît toutes choses, il connaît leur intention et il connaît leur but à travers cela, à travers cette œuvre. Et du fait qu'il est audient, il entend leurs paroles et donc exauce leur invocation. Car le nom, Es-Samir, lorsqu'il est cité dans un contexte d'invocation ou d'adoration, alors il prend le sens de celui qui exauce l'invocation. Cela comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, à propos d'Ibrahim alayhi salam qui a dit « Inna rabbi la sami'u du'a » Certes, mon Seigneur entend les invocations. C'est-à-dire, certes, mon Seigneur exauce et répond aux invocations. Donc ici, le fait que Ibrahim alayhi salam et Ismaïl aient cité ces deux noms-là prend un sens. Premièrement, Al-Alim, l'omniscient, car il connaît leur intention, il connaît leur but. Donc il va les rétribuer en fonction de cela. As-Samir, car il entend et il exauce l'invocation. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset. Certes, tu es seul le puissant, le sage. Certes, tu es seul le puissant, le sage. Cela après avoir cité l'invocation de Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl une nouvelle fois. Lorsqu'ils ont dit, d'après l'essence du verset, « Seigneur, envoie-leur un messager de parmi eux, Donc Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et lui ont demandé d'envoyer un messager après eux. Donc ce qui est voulu ici est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et ils ont fini leur invocation par ces deux noms-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, tu es le puissant, le sage. Al-Aziz, Al-Hakim. Donc ici, l'auteur nous dit, rahimahullah, cela, car, ne fait pas partie de la sagesse de laisser les créatures en vain, sans leur envoyer de messager. Et donc, en envoyant un messager, Allah confirme sa sagesse, pour que les gens qui s'égarent n'aient pas d'argument contre lui. Donc ici, Al-Hakim, le sage. Le puissant, car tous les décrets d'Allah, religieux ou mondains, ne peuvent se produire que par la puissance d'Allah et l'accomplissement de son jugement. Donc ici, on voit qu'ils ont utilisé ces deux noms-là et qu'ils ont un sens direct avec leur invocation. Car Allah, de par sa sagesse, enverra un messager et de par sa puissance, enverra ce messager, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, et parfois, Allah se contente de citer ses noms parfaits sans citer explicitement le jugement voulu et la rétribution pour faire comprendre aux serviteurs que s'ils connaissent Allah de par le nom cité, alors ils connaîtront le jugement voulu qui n'a pas été cité explicitement. C'est-à-dire qu'à certains moments, Allah subhanahu wa ta'ala cite un verset et le conclut par un de ses noms sans citer le jugement. Car ce nom indique le lecteur et lui fait comprendre le jugement voulu. Il nous dit cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit, d'après l'essence du verset. Puis, si vous déviez de la vérité, après que l'épreuve vous soit parvenue, alors sachez qu'Allah est puissant et sage. Puis, si vous déviez de la vérité, après que l'épreuve vous soit parvenue, alors sachez qu'Allah est puissant et sage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ici, alors sachez que vous aurez telle ou telle punition. Mais il a dit, alors sachez qu'Allah est puissant et sage. L'auteur nous dit, et si vous savez qu'Allah est puissant, c'est-à-dire que personne ne peut échapper à son jugement, du fait de sa pleine puissance et domination, et qu'il est sage, c'est-à-dire qu'il met chaque chose à sa place, et sa sagesse implique de punir et sanctionner celui qui mérite cela, c'est-à-dire celui qui persiste sur le péché alors qu'il en a connaissance. Alors cela vous poussera à la peur quant au fait de persister sur les péchés et la déviance. Donc ici, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait cité ces deux noms-là permet de faire comprendre au lecteur le jugement qui est voulu. Allah est puissant et sage. Sa sagesse implique qu'il châtie celui qui persiste sur le péché. Sa puissance implique que personne ne peut lui échapper. Donc cela poussera le serviteur à avoir peur et à délaisser la persistance sur le péché. Ensuite, l'auteur nous cite, rahimahullahu, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui cite, après avoir cité quelques versets auparavant, ceux qui commettent le désordre sur terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité certains versets et a cité le châtiment qui doit être accordé à ceux qui commettent le désordre sur terre. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit, d'après le sens du verset, sauf ceux qui se repentent avant que vous ne les ayez attrapés. Alors sachez qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ici, Allah n'a pas dit, alors laissez-les, ou une parole qui va dans ce sens. Mais il a dit, alors sachez qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ceux qui se repentent avant d'avoir été attrapés, Allah nous dit après cela, sachez qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Il n'a pas cité le jugement. Car de ces deux noms-là, nous tirons le jugement. Du fait qu'Allah est pardonneur et miséricordieux, cela implique que quiconque se repent, Allah accepte son repentir et Allah lui pardonne. Donc Allah repousse de lui la punition et le châtiment. Ensuite, l'auteur rahimahullah nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui cite, après avoir cité l'autorisation de rendre un mal subi injustement par son équivalent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité qu'il est autorisé de rendre un mal qu'on a subi injustement de par son équivalent. Comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset. Et quiconque châtie de la même façon qu'il a été châtié, et qui ensuite est touché par un outrage, Allah l'aidera. Puis Allah conclut le verset par sa parole. Et certes, Allah est absoluteur et pardonneur. Le temps nous dit, rahimahullah. Il invite donc, Allah invite donc par cela les serviteurs à ce qui est meilleur, c'est-à-dire de pardonner et ne pas rétribuer celui qui est malfaisant par le mal. Et il les invite à chercher à l'adorer en se rapprochant de lui, en œuvrant avec ces deux attributs de pardon, pour obtenir par cela le pardon d'Allah et son absolution des péchés. Donc Allah a cité dans le verset qu'il était permis de rendre le mal subi injustement par son équivalent. Et il a clôturé ce verset par sa parole, certes, Allah est pardonneur, certes Allah est absoluteur et pardonneur. Donc cela pour inciter le croyant à pardonner et inciter le croyant à ne pas rétribuer le mal par le mal pour pouvoir à travers cela obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ta'ala nous cite en exemple, après cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, après avoir cité la récompense de ceux qui ont émigré dans son sentier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la suite, et il les fera certainement entrer dans un lieu qu'ils agréeront. Et il les fera certainement entrer dans un lieu qu'ils agréeront. Et certes, Allah est omniscient et indulgent. Donc Allah a cité leur récompense et a clôturé le verset par ces deux noms-là. Allah est omniscient et indulgent. Le temps nous dit, rahimahullah, omniscient, donc connaisseur de toutes choses, donc il connaît les belles et bonnes intentions qu'ils ont eues dans cette émigration, et les nobles actes qu'ils ont accomplis, et les hautes situations auxquelles ils ont fait preuve. Et il les récompensera donc pour cela par une immense grâce. Ensuite, par son nom indulgent, c'est-à-dire il efface et est indulgent face à leurs péchés, comme s'ils n'avaient pas existé. Donc ici, ces deux noms-là prennent ce sens-là. Parmi le sens que ces deux noms-là prennent ici est le fait qu'Allah connaît leurs actes, connaît leurs intentions, et donc qu'il les rétribuera de par cela. Deuxièmement, qu'il est indulgent, c'est-à-dire qu'il leur pardonnera leurs péchés comme s'ils n'avaient pas existé. Et ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a cité dans la sourate Al-Shu'ara, les poètes, plusieurs récits de prophètes avec leur peuple. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate cite plusieurs prophètes et nous raconte leur histoire avec leur peuple. Et à la fin de chaque récit, Allah cite qu'il a anéanti ceux qui ont démenti et qu'il a sauvé les croyants et les prophètes. Et après chaque récit, Allah finit les versets par sa parole. Et certes, ton Seigneur est le puissant, le miséricordieux. Et cela se répète plusieurs fois. Et certes, ton Seigneur est le puissant, le miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala finit ces versets par ces deux noms-là. Le puissant, le miséricordieux. Cela après avoir cité qu'il a châtié ceux qui ont démenti et qu'il a sauvé les croyants et les prophètes. Le temps nous dit, rahimahullah, cela car par sa miséricorde, Allah a sauvé les prophètes et leurs suiveurs. Et par sa puissance, il a anéanti les mécréants. Cela car par sa miséricorde, Allah a sauvé les prophètes, et par sa puissance, il a anéanti les mécréants. Et il nous dit, rahimahullah, et chacun des deux noms peut aussi avoir un lien avec les deux parties, c'est-à-dire avec la partie des croyants et la partie des mécréants. C'est-à-dire qu'il a aussi sauvé les croyants de par sa parfaite puissance. Et le fait qu'il cite qu'il soit miséricordieux alors qu'il a anéanti ceux qui ont démenti montre l'immensité de leur péché. Car s'il n'aurait pas été aussi immense et qu'il n'aurait pas fermé devant eux les portes de la miséricorde, le châtiment ne serait pas tombé sur eux. Le châtiment ne serait pas tombé sur eux. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, et parmi les situations les plus subtiles, ouvrant la porte de l'espoir, le fait que dans certains versets, Allah cite les causes du pardon et les causes du châtiment. Puis il conclut le verset par un nom de miséricorde, comme dans sa parole, d'après l'essence du verset. Et il châtie qui il veut, et il pardonne à qui il veut, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Cela indique que sa miséricorde prend le dessus sur son châtiment, et aura droit à celle-ci toute personne ayant avec elle la moindre cause parmi les causes menant à la miséricorde. Et c'est pour cela que sortira de l'enfer toute personne qui a dans le cœur l'équivalent d'un grain de moutarde deux fois. Donc, l'auteur rahimahullah finit par nous citer que, à certains moments, Allah subhanahu wa ta'ala cite les causes du châtiment et les causes du pardon. Mais, cela pour ouvrir la porte de l'espoir au serviteur, il clôture le verset par des noms de miséricorde. Cela pour montrer que sa miséricorde prend le dessus sur sa colère et sur son châtiment. Et donc, par cela, nous concluons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala notre lecture en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, de par son immense grâce, de nous compter parmi ses serviteurs qui sont les adeptes du Coran, ceux qui l'apprennent, en comprennent l'essence et les mettent en pratique. Car certes, Allah est audient et est omniscient, subhanahu wa ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.